Salut, vous écoutez audioblog.fr. Ce fichier concerne la photo et uniquement la photo, et plus exactement un tout petit appareil avec lequel j'ai eu l'occasion de passer pas mal de temps. C'est un compact microscopique et un peu atypique, le Ricoh GR. Tout petit compact, le terme est faible, c'est un appareil qui tient dans le creux de la main. Il est extrêmement plat, il doit faire à peu près 1 cm et quelques d'épaisseur, et encore. C'est en quelques chiffres un 8 millions de pixels qui est équipé non pas d'un zoom mais d'un objectif fixe, un 28 mm, enfin l'équivalent en 24-36 d'un 28 mm qui est ouvert à 2-4. S'il n'a pas de zoom, il peut recevoir un certain nombre d'accessoires. Il a une griffe de flash. Sur cette griffe de flash, on peut placer un petit viseur qui fait beaucoup penser à ceux des Leica télémétriques. Que le GR n'a pas de viseur, la visée naturellement se fait sur l'écran. Et on peut également lui ajouter un complément optique qui passe la focale à 21 mm. Et enfin, la dernière caractéristique du Ricoh GR, c'est pas forcément la plus sympa, c'est son tarif. C'est un appareil qui est assez cher puisque nu, il va être vendu aux alentours de 500-600 €, auxquels il faut rajouter facilement 200 entre les compléments, le viseur, etc. Ce qui veut dire que l'ensemble complet, le petit système GR complet, alors en prix réel, je ne parle pas de prix officiel, mais le prix réel auquel il va être trouvable sur internet d'ici quelques temps, va tourner aux alentours de 700-800 €, ce qui est quand même extrêmement cher puisque c'est nettement plus cher qu'un réflexe. Or, il s'agit d'un compact et d'un compact à objectif fixe non démontable, même si effectivement il dispose de deux positions en quelque sorte, une position 28 et une position 21 mm. Normalement, quand on parle d'un appareil, on commence par dire tout ce qu'il a de bien. Là, je vais faire l'inverse, puisque j'ai commencé par le prix, qui est quand même de loin son plus gros défaut. Il a un autre défaut, ce Ricoh GR, il en a deux autres, mais un autre qui m'a beaucoup énervé. Et c'est un défaut vraiment unique sur un appareil photo, enfin, je ne me suis jamais trouvé confronté à ça, c'est son déclencheur. Le déclencheur du Ricoh GR, c'est un déclencheur de compact normal. Or, sur un appareil un peu sophistiqué, et le GR est indiscutablement un appareil sophistiqué, le déclencheur, c'est quand même un des éléments les plus importants, puisque c'est lui qui va faire qu'on bloque la mémorisation en appuyant à mi-course, et puis ensuite qu'on décide du déclenchement en continuant à presser. Ça suppose donc que ce déclencheur ait un feeling assez précis. Alors celui du Ricoh, c'est une horreur. Une horreur absolue, il est à peu près impossible de savoir à quel moment on mémorise et à quel moment précis on déclenche si on essaye d'appuyer progressivement. J'ai donc renoncé à utiliser la mémorisation parce qu'elle n'est pas réellement utilisable et j'ai utilisé ce GR en mesure multizone. Or, en un mois d'utilisation relativement intensive, hormis quelques cas vraiment particuliers qui de toute façon auraient planté n'importe quel appareil, je ne suis pas arrivé à tromper le GR. Son système de mesure multizone est vraiment extrêmement efficace. C'est heureux puisque de toute façon on est un peu condamné à l'utiliser. Par ailleurs, il peut utiliser une mesure centrée ou une mesure spot, mais donc en l'absence d'un véritable déclencheur permettant d'affiner exactement la mémorisation, ça ne sert pas à grand chose. Mais donc à retenir, il expose vraiment très bien, mais ce déclencheur est dommage. C'est manifestement, ils se sont beaucoup cassé la tête quand ils ont conçu cet appareil, puis le déclencheur il a dû être récupéré sur un compact bas de gamme de la gamme Ricoh et personne ne s'est posé la question de savoir si c'était important, et ça c'est vraiment dommage. Le deuxième défaut, alors c'est plus une caractéristique qu'un défaut, c'est que c'est donc, comme je l'ai dit, un appareil relativement cher, un appareil qui s'adresse à un public sophistiqué. C'est pas du tout un appareil grand public, le GR. Or, il a un capteur qui est assez microscopique, c'est un capteur 1,8 pouces, qui est le capteur standard qu'on trouve sur tous les compacts. Et la conséquence de cette toute petite taille de capteur, surtout avec une définition de 8 millions de pixels, c'est que le Ricoh GR, il fait du bruit. Alors du bruit, il y en a même beaucoup. La sensibilité nominale du capteur, la sensibilité de base, c'est 64 ISO. À 64 ISO, le bruit est très, très correct. Ensuite, le bruit grimpe de manière extrêmement sensible. Mais heureusement, pour le GR, les ingénieurs qui ont bossé dessus se sont vraiment manifestement beaucoup cassé la tête. Ce bruit grimpe de façon inhabituel. Tout d'abord, à 100 ou à 400 ISO, le bruit est à peu près identique. Il n'est pas spectaculairement différent. Ça veut dire que la sensibilité, on va dire, naturelle du GR, lorsqu'on n'utilise pas à 64, c'est 400 ISO. Si on couple ça avec l'absence de miroir, donc pas de bouger, plus un objectif ouvert à 2.4, si vous faites du reportage, vous devez commencer à voir le sourcil qui se lève. L'autre caractéristique, c'est que ne pouvant pas empêcher le capteur de faire du bruit, les gens de chez Ricoh se sont gratté la tête pour savoir comment on pourrait le masquer, ce bruit, et manifestement, ils ont pompé du côté de chez Fuji. A priori, Ricoh achète ses capteurs chez Sony, mais le GR a un rendu qui fait beaucoup penser à ce que fait Fuji avec certains de ses compacts, c'est-à-dire que le traitement estompe le côté pixel aberrant, couleur aberrante de la granulation liée au bruit et conserve juste l'espèce de moutonnement qui lui est caractéristique du bruit. Dans le cas du GR, ça fait que les photos ont certes beaucoup de bruit, mais ce bruit est plus proche du grain d'un film que du bruit traditionnel d'un appareil mal géré. Ça donne un résultat qui n'est pas vraiment désagréable. On est vraiment assez proche d'un film, du rendu d'un film. On est très très loin du rendu d'un réflexe, mais avec des résultats qui sont plus que sympas. Au-dessus de 400, alors là en revanche, on est plutôt dans le document. À 800, le bruit commence à prendre des allures énormes, tout en conservant ce côté grain plus que pixel délirant qui se balade. Puis alors à 1600, il y a 3 pixels par photo, donc là on est vraiment oui, dans le document, plus vraiment dans la photo. Disons que c'est pour les cas désespérés le 1600. Le 800 peut éventuellement s'envisager dans les cas de figure où donc la granulation à la limite fait partie de l'aspect esthétique de l'image, mais on est vraiment dans des sensibilités un peu limites pour l'appareil. En revanche, à 400, c'est un vrai plaisir. Le résultat est extrêmement correct. Ça permet de faire des photos dans des conditions tout à fait difficiles. Et ça, c'est un des gros, pour ne pas dire le gros point fort du GR. Le GR, c'est pas un compact, comme je l'ai dit, généraliste. C'est vraiment pas un compact grand public. C'est en revanche une redoutable machine de reportage. Si c'est pour faire de l'illustration léchée, pas facile à dire. Le GR, c'est pas l'arme absolue, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais en revanche, dans tous les cas de figure où on a soit un éclairage très faible, ou l'impossibilité de faire du bruit, ce qui est deux cas de figure où les réflexes sont pas très à l'aise, d'un côté on a le claque du miroir, et de l'autre, les zooms de réflexes sont quand même pas extrêmement ouverts, dans ces deux cas-là, alors le Ricoh est absolument royal. Il fait rigoureusement aucun bruit, il est extrêmement réactif, le temps de mise en route est très raisonnable. Une fois le petit bzzz, parce que l'objectif est télescopique, de la mise en route, ensuite on peut déclencher absolument sans aucun bruit. J'ai fait des photos par exemple pendant l'enregistrement d'une émission de radio, qui est vraiment typiquement des conditions où on ne peut pas faire de bruit du tout, où il aurait été impensable d'utiliser un réflexe. Le Ricoh passe sans aucun problème. Une fois qu'il est en route, le déclenchement est instantané, la mise au point est instantanée. Enfin, il faut dire qu'avec un 28 mm, l'objectif n'a pas à se déplacer énormément. Dans des conditions de reportage, il est absolument parfait. Et d'autant plus parfait que si donc il a des photos avec du bruit, comme dans les conditions que je décrivais, l'objectif est plutôt excellent. Et notamment, il est très bien maîtrisé en ce qui concerne le vignettage, ce qui est important sur un grand angle, sur un 28 mm, habituellement ça vignette un peu, non, là il vignette pratiquement pas, et la netteté est vraiment très bonne, surtout quand on pense à la surface microscopique sur laquelle cet objectif est censé faire une image. C'est un petit tour de force de la part de Ricoh, je ne sais pas qui est-ce qui leur a conçu cette optique, mais eu égard aux limitations inhérentes à ce type d'appareil, elle est vraiment vraiment excellente. Donc le GR, il y a deux types de publics à qui il peut plaire, c'est les gens qui voyagent, et qui cherchent un petit quelque chose capable de leur apporter des photos plutôt meilleures, des photos d'ambiance plutôt meilleures que ce que leur apporterait un autre appareil, et puis surtout les gens qui font du reportage en complément d'un réflexe. J'ai lu pas mal d'articles dans les journaux spécialisés sur la question: est-ce que le Ricoh est-il ou est-il pas un compact professionnel? Je pense que la question est un peu stupide. Les professionnels, ils utilisent ce qui leur convient, pas ce qui a l'étiquette professionnelle dessus. Je pense que le Ricoh peut tout à fait être utilisé dans un contexte professionnel en complément d'un équipement réflexe. La règle, elle est relativement simple. Si la photo, on peut la faire avec un réflexe, il faut la faire avec un réflexe qui sera indiscutablement meilleur que ce qu'aurait donné le Ricoh. En revanche, dans tous les cas de figure où le réflexe commence à toucher ses limites, alors là, le GR peut prendre le relais vraiment sans aucun problème, avec des résultats plus qu'honnêtes. et le 21 mm dans tout ça. Alors le 21 mm, c'est un complément optique, il pique un peu moins que le 28. Il déforme pas énormément. Il y a pas, on peut pas dire qu'il y a une déformation faramineuse. En revanche, il y a une déformation géométrique qui est inhérente à l'angle de champ qui, elle, commence à devenir tout à fait impressionnante. Et ça veut dire que, par exemple, avec un 21, on peut faire des photos très à l'aise en intérieur, ce qui est un peu inhabituel avec un appareil particulièrement avec un compact. Voilà. Son intérêt est, à mon avis, plus démonstratif que concret. La différence entre 21 et 28, elle est importante, mais elle n'est pas spectaculaire. Et installer le 21 suppose de dévisser, ça se fait en un quart de tour, enfin même pas un quart de tour, oui, une petite bague qui est à la base de l'objectif, visser un espèce de tube qui est en plastique. Alors ça, là-dessus, honte haricots, ils auraient pu le faire en tôle ou je ne sais pas quoi. C'est du plastique assez rigide, hein, etc. Mais vraiment, ça fait toc, ça fait toc. Donc on clipse ce petit tube en plastique et le complément optique vient se visser au bout. Le tout marche absolument bien, pas de problème. Le 21 mm m'a semblé un peu moins piqué que le 28, mais alors en contrepartie, on a un angle de champ qui là devient carrément spectaculaire, avec cette petite restriction que donc la manip demande trois mains, une main qui tient le rico, une main qui tient le petit tube en plastique et une main qui visse le complément optique. Enfin, ceux qui avaient l'habitude des Leica-M seront pas dépaysés. Et surtout, le complément optique, c'est un gros bloc de verre qui vient se fixer à l'avant, qui déséquilibre l'appareil, donc on perd un peu ce côté immédiat, facile, etc. Donc le 21, il plaira plutôt aux gens qui voyagent, par exemple, et qui, pour leur paysage, ont besoin d'encore un peu plus de champ. En usage normal, le 21, il m'a pas énormément convaincu. Il est bien, il fonctionne, etc., etc., mais bon, on peut vivre sans. Je parlais du tube en plastique qui fait assez cheap, qui sert donc à ce complément optique et à fixer également un pare-soleil sur le 28. En revanche, le reste de l'appareil, qui est en alliage de magnésium, est vraiment magnifique. La finition du GR est remarquable. Au début, le fait que l'objectif soit télescopique, ça m'avait fait craindre un petit peu qu'il soit allergique au traitement un peu pas trop soigneux. Je l'ai trimballé pendant un mois dans ma poche, en moto, partout. Vraiment, il n'y a eu rigoureusement aucun problème. Le Ricoh GR, c'est un appareil qui est non seulement très bien fabriqué, mais qui surtout est extrêmement solide. J'ai parlé du complément 21, il reste le viseur. Alors le viseur, il est très joli. Il est très cher aussi, surtout, mais il est très très très joli. En revanche, personnellement, j'en suis pas fan. C'est un viseur dans lequel il y a deux cadres, le cadre qui correspond au 28 et le cadre qui correspond au 21. Vraiment un peu dans l'esprit donc de ceux qu'on rajoute sur les Leica télémétriques. En revanche, la très petite taille de l'appareil d'un côté qui empêche de bien le tenir à deux mains, le GR, il se tient vraiment du bout des doigts de la main gauche. Hein. Il n'y a pas une place folle et on ne peut pas tenir l'objectif par en dessous comme on fait normalement avec un plus gros appareil. Donc ça fait que quand on utilise le viseur, on le porte à l'œil un peu comme on porterait un monocle. C'est un peu bizarre, moi ça ne m'a pas vraiment convaincu. Et puis ce déclencheur dont j'ai déjà dit tout le mal que j'en pensais, qui oblige à se concentrer sur l'index et pas sur le viseur, fait que à l'usage, moi j'ai pas trouvé ce viseur très utile. J'ai essayé un petit peu et je l'ai vite remis dans sa petite pochette. Je m'en suis pas servi. Vraiment, on peut faire sans, d'autant que l'écran est vraiment excellent. Il n'y a aucun problème. L'écran est excellent et la disposition des commandes est remarquable. Et si on porte l'appareil à l'œil, on ne peut plus bénéficier à ce point de cette disposition de commandes parce que l'appareil est tout petit. Ricoh a repris pour le GR en la développant une manière de disposer les commandes qu'ils utilisent déjà sur certains de leurs appareils. Le GR a deux touches, une molette qui se tourne horizontalement et sur laquelle on peut appuyer. Elle a double fonction. Elle fait bouton quand on appuie dessus et elle déplace des éléments sur l'écran quand on la fait tourner vers la droite ou vers la gauche. Et puis l'espèce de bouton à bascule qui, sur les compacts à zoom classiques, sert à actionner le zoom. Donc sur le GR, ce petit bouton à bascule, lui, il sert à accéder directement au correcteur d'exposition. Ça, c'est génial. Vous êtes en courte prise de vue, vous voudriez mettre un petit coup de plus, un petit coup de moins. D'un appui sur ce bouton à bascule, on peut accéder au correcteur d'exposition. Pour ce qui est de la molette, qui est donc 1 centimètre, même pas, je dis 1 centimètre, 1 demi-centimètre plus à gauche, on peut lui affecter un certain nombre de réglages. Moi, je l'ai utilisé avec, dans l'ordre, le correcteur d'exposition, la balance des blancs et le réglage de la sensibilité. Les ensembles de réglages sont mémorisables, c'est-à-dire qu'on peut configurer l'appareil pour que, au démarrage, il se mette tout seul sur 400 ISO en balance des blancs automatique et puis avec, je ne sais pas, plus 0,3 de correction d'exposition, par exemple. Et du bout du pouce, on peut accéder à ces trois réglages. Il y a également une deuxième molette vers l'avant qui permet de descendre ou de monter les valeurs. Le tout est assez proche du fonctionnement qu'on va avoir habituellement sur un réflexe. Et ça fait que les possesseurs de réflexes retrouveront très vite leur petit avec le GR. Ça participe également au fait que le GR fonctionne si bien en tant que machine de reportage. On peut s'adapter quasiment instantanément à n'importe quel type de situation. Puisqu'on en est dans les réglages, donc il y a donc le fait également que non seulement cette balance des blancs est facilement accessible, mais également elle est réglable manuellement de manière très simple, ce qui n'est pas toujours le cas, y compris sur des appareils extrêmement évolués. Quand on fait des photos en intérieur avec des lumières un peu bizarroïdes, les balances des blancs automatiques ont du mal à fournir une colorimétrie qui soit régulière. Ce qui n'est pas très grave quand on fait du RAW, ce qui est catastrophique quand on fait du JPEG. Le GR permet de faire très très simplement, pour peu que vous ayez une feuille de papier blanc ou un truc blanc sous la main, une balance des blancs manuelle très vite et donc ensuite de garantir une colorimétrie qui reste impeccable, du moins impeccablement stable. C'est ce qu'on lui demande. Pour ce qui est des autres caractéristiques, il y en a une qui m'a fait un peu sourire. J'ai vu un peu partout dans les différents magazines qui ont publié des tests de cet appareil que le Ricoh GR était capable d'enregistrer au format DNG. Comme tous les compacts, il fait du JPEG. Mais il fait aussi officiellement du DNG, ce qui est plus une promesse marketing qu'une réalité de terrain, parce que pour enregistrer un fichier en DNG, et ça je l'ai revalidé, c'est ce que je vais annoncer, c'est un chiffre exact, il lui faut 12 secondes. Donc si vous utilisez un GR pour faire des photos de paysages tranquilles, le DNG c'est peut-être une formule jouable. En revanche, il est utilisé dans son fonctionnement, dans son terrain de jeu naturel, qui est des conditions de reportage, 12 secondes pour enregistrer une image, je ne vois pas trop quand est-ce qu'on peut s'en servir. Donc effectivement, officiellement, le GR peut faire du DNG. En pratique, ce DNG est absolument inutilisable. Voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour de l'engin. Donc en résumé, le GR était un appareil assez attendu qui est la version numérique d'un appareil qui existait déjà à l'époque de l'argentique, qui était un petit compact de poche avec un 28 mm, qui avait des concurrents comme le Nikon 28Ti par exemple, qui sont des compacts un peu particuliers, à objectif fixe de grande ouverture et qui s'adressent à un public de niche hein, quelque part, mais qui fonctionne très bien. Le GR numérique, la version numérique du GR, elle s'inscrit tout à fait dans cette tradition-là. Bien sûr, l'idéal, ça aurait été qu'il ait un capteur plus grand. Alors, un GR avec un capteur 1/3 de pouce, voire, rêvant un peu, avec un capteur de taille APS, et une définition bien moindre, parce que 8 millions de pixels, c'est un peu beaucoup, ça aurait été mieux là-dessus, il n'y a pas de discussion. Je pense qu'il y a dû avoir des impératifs marketing. Il fallait qu'il fasse 8 millions de pixels, puisque maintenant, les appareils en dessous de 8 millions ne se vendent plus, surtout à ce niveau de prix-là. Donc, il a hérité d'un capteur tout petit. Ma foi, c'est la vie, mais donc, comme je le disais plus tôt, les ingénieurs de Ricoh ont astucieusement contourné cette espèce d'impératif technique en le dotant d'une gestion du bruit qui fait qu'il produit des images qui sont vraiment pas mauvaises. C'est un appareil donc très bien fabriqué, très pratique, très bien conçu, très professionnellement conçu, rapide et silencieux, et qui serait parfait s'il était vendu à un prix qui soit la moitié de son prix officiel, parce que à ce prix-là, ça le met quand même très cher. Ça le met très cher si on le compare à un compact 8 millions de pixels, puisque le GR, grosso modo, il doit valoir le prix, par exemple, d'un Canon G6 qui a un niveau de prestation globale bien supérieur, mais qui, dans les conditions que je décrivais, sera moins bien que ce petit GR. Plus bruyant, moins rapide, etc., etc. Donc il faut peut-être le voir comme un 28 mm de dépannage pour les possesseurs de réflexes auquel serait branché un petit capteur et une électronique. Quoi. C'est un peu ça. Il faudrait comparer plutôt le GR au prix d'une optique 28 mm de 8 plus qu'au prix d'un compact. Dans ce sens-là, c'est un appareil très bien. Moi, je vais rendre le mien avec regret. J'ai vraiment eu plaisir à l'utiliser. Dans des appareils, comme tous les gens Cantez, j'en vois passer des paquets et la plupart sont franchement ennuyeux. Eh bien, le GR fait partie des bonnes surprises. La comparaison va faire bondir les spécialistes, mais au bout de quelques temps, on retrouve dans une certaine mesure les sensations d'un Leica M. Oui, le Leica M, c'est autre chose à tout point de vue, etc. Là-dessus, il n'y a pas match. Le prix aussi, d'ailleurs, est autre chose. Mais les sensations d'utilisation, finalement, sont pas si éloignées que ça. Avec, pour le GR, un avantage de taille au sens propre, hein, c'est la sienne de taille, c'est que c'est un appareil qui tient dans une poche, il tient dans une poche de chemise, hein, par exemple. Ça veut dire que c'est un engin qu'on a toujours avec soi. Alors, on pourra toujours lui reprocher plein de choses, notamment son petit capteur, hein, et choses comme ça. Mais comme je le disais, il y a beaucoup de cas où de toute façon il a fait des photos qu'un réflexe n'aurait pas pu faire. Et puis il y a également plein d'autres cas où il fait des photos qu'aucun appareil n'aurait pu faire, puisque notre appareil, on ne l'aurait pas eu avec soi. Tandis que le GR, c'est un appareil qu'on peut avoir réellement. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant tout le temps où je l'ai eu, tout le temps dans la poche, au fond d'une poche. Parfois, je le cherchais tellement il est petit au fond d'une poche de veste. Et ça fait partie des choses qui le rendent extrêmement sympathique. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Soyez heureux. Ciao!